Ah ouais, c'est sûr que c'est mieux. Le fossé de la bouche. Tout un fossé. C'est quoi? Bah pareil, mais plus petit. Bah ouais, c'est ça, en bois. C'est là à quatre pas. Je sais pas trop comment penser. Ah ouais. Comment penser.